Se répand, un mot prend vie, la vie s'écrit, le premier cri s'entend, l'auteur sourit, le papier se noircit, le jeu se construit d'une main, une plume, un chemin, un point. Le futur se crée en secret, attendant patiemment son portrait, l'esprit essaye de l'issuader, mais les mots se mettent à rêver, la page blanche crée des héros, je serai riche, je serai beau. Noir et blanc se sont mélangés, enchaînés sur une feuille de papier. Et si je changeais de couleur, serais-je plus beau, monsieur l'auteur? Ne me parle pas d'apparence, je veux du cœur de l'innocence. Les lettres s'affolent, les courbes s'exhibent, les phrases s'accoupent, se désinhibent. L'amour tangible embrasse le texte, figure de style, figure de sexe. Un insatiable besoin de chair, mes mots s'envoient en l'air. Toujours écrire, toujours sourire, ma plume soupire sans réfléchir. Mes pensées courent, mon style au sourd gratte l'angoisse de tous les jours. Je n'ai qu'une page pour m'en sortir, rien qu'une vie pour tout écrire. Je regarde autour de moi, les stylos hurlent, les papiers brûlent, tout le monde a peur, ne comprend pas à quoi on joue dans ce monde-là. Pourquoi écrire notre propre histoire, cette ligne de vie rédhibitoire? On prend, on jette, on se rejette, on ne fait que se prendre la tête. Copier, on a beau prier, le texte ne sera jamais parfait. La main tremblante fait des ratures, ce n'est qu'une vilaine imposture. Je me déchire en mille morceaux, une vie réduite en confetti. Une simple feuille recto verso qui n'aura jamais rien appris.